Encore un guerrier. Pas étonnant quand tu vas écouter son parcours entre monde de gang et graffiti. Il est coupant comme un barbelé chinois autour d'un entrepôt de train. Et en fait, des trains, il en a fait des tonnes et des tonnes. Pour les murs, on les compte même plus. Revenons sur son histoire atypique avec nous, Chuck Too et Togs, pour mener cette discussion. Moi, en fait, je dessinais. Alors, ça, c'est vrai que je dessinais en primaire. J'avais une prof qui me saquait, qui me mettait au fond de la classe avec deux autres mecs qui étaient plus âgés que moi, là, tu vois. Et, bah, en fait, elle pouvait pas m'encadrer, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'avais tendance à dessiner. Ensuite, après, en sixième, bah, forcément, ça a été la catastrophe. Comme j'étais un vrai rebelle, je voulais pas me soumettre au troisième et au machin qui voulait mettre tout le monde à l'amende. Donc, grosso modo, j'étais devenu la star du collège, quoi, tu vois. Et pareil, en français, en maths, je dessinais au lieu d'écouter, quoi, tu vois. J'avais mon prof de dessin qui me confisquait mes dessins à chaque fois, tu vois. Alors, Et ça c'est donc étonnant parce que du coup, un prof de dessin, tu dessines sans arrêt, ce qui est ton truc. non, mon prof de français, j'ai dit une connerie, mon prof de français, parce que Ah je ouais, dessinais en français. d'accord. Est-ce que ton Non, il prof de s'appelait dessin, Stone. Je il me rappelle, devrait il s'appelait Stone. Ouais, prof de dessin, il était content. Bon, après, ce dessin, c'était un peu pourri. T'as vu les cours en sixième de dessin, c'était n'importe quoi. C'était la psychologie, des machins. C'était toujours des trucs un peu chelous. Des fois, tu tombais sur des profs, ils avaient des termes bizarres et tout. C'était chelou. Ils t'apprenaient pas le dessin, en fait, tu vois. T'apprenais à réfléchir, surtout. Ouais, c'est vrai que nous on en a vu une, Thierry, je crois que tu avais Madame Lagarde, elle avait les cheveux Ah ouais, violets c'était et la gare. tout. Oh Et non, voilà, on ah, l'a c'était eu, perché. elle était barrée, elle mettait C'était 1 et pareil, c'était 18. perché. T'apprenais rien. En fait, t'apprends rien, en fait, tu vois. T'apprennes pas à dessiner. Non, c'est Et ça. en France, les profs de français, Senasson, là, il me kiffait et tout parce que bon, il voyait bien que j'avais beaucoup de problèmes et que voilà, j'étais tout en train de dessiner. Et d'ailleurs, je viens de poster sur Instagram il y a quelques jours, j'ai posté un de ses dessins de cette époque aussi, tu vois, de 86. Je crois que je l'ai vu passer. Un Rambo, un truc comme Ah ça. ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai dit, tiens, t'as J'en ai sorti d'autres un là. truc de ouf. J'en ai retrouvé deux autres là, deux autres qui sont mortels, celui de Chamé. Culotte, quoi. Et où j'ai dessiné Schwarzenegger et un deux Schwarzenegger, là. J'ai deux Schwarzenegger là, que j'ai retrouvé là. Du film Commando. Bon, c'était cette époque-là, tu vois, l'époque un peu. Tu vois, le film d'action, tout ça. Oui, Stallone, carrément. Conan le Barbare, machin, tu vois. Donc, on dessinait que des trucs comme ça, tu vois. J'avais un pote de classe aussi qui dessinait des Stranges. Et le mec, c'était un tueur à gages. Mais vraiment, c'était un tueur. Il dessinait tout depuis qu'il est tout petit, il dessinait des Stranges. Donc, en fait, il dessinait mortel. Donc, du coup, je me suis un peu inspiré de lui, tu vois. C'est lui qui m'a donné un petit peu envie de dessiner. Voilà, c'est ma première influence, en fait. Il s'appelait Olivier Gore. Comme Gore, par contre. Oh putain, la vache. Ah, il y en a C'est pas mon beaucoup. détien. Ouais, et c'était. Et tu sais quoi, c'était vraiment un tueur. Quand je disais un tueur, c'est il dessinait un personnage normal, sans faire de. Tu sais, sans faire de croquis, genre tu fais des ronds, tu Ah cherches oui. la musculation. Non, non, lui, il dessinait le contour comme ça, il avait dessiné Direct. le bonhomme direct, en direct, tellement il en bouffait, en fait. Il me disait qu'il dessinait, il dessinait, il recopiait les Stranges depuis qu'il était petit, en fait. Donc, du coup, il les connaissait dans toutes les positions, il les connaissait par cœur et tout, c'était un truc de ouf, ce qu'il voyait. Donc, la musculature, il pouvait te la dessiner normal. Bon, donc, c'est lui un peu qui m'a donné envie de dessiner, en fait, dessiner des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr, j'étais médiocre par rapport à lui, tu vois. C'était un tueur. Et puis, j'ai perdu le goût du dessin, justement, au collège, et que j'étais hyper turbulent, machin, que ça fonctionnait pas. Je me suis orienté, au fait, dans un lycée professionnel. Enfin, on m'a éjecté dans un lycée professionnel. J'ai demandé à ma conseillère d'orientation une filière qui a un rapport avec l'art. Avec l'art, et elle m'a dit que ça n'existait pas et qu'il fallait que j'aille en mécanique auto, mécanique générale et gendarmerie. Bon, alors je te rassure tout de suite, j'ai eu la même. Hein. Mais alors quand je te dis la même, ils m'ont éjecté, parce que moi je sortais par la fenêtre des salles de classe, je dessinais pas, je sortais, ça me cassait les couilles. Fin de cinquième, ils ont dit, OK, super, l'art, le machin, la PAO, la musique assistée par ordinateur, les ordi, on n'y connaît que dalle. Mécanique ajustage, voilà où tu vas aller à la salle Saint-Cloud et tu fermes ta gueule. Exactement, et c'était un truc de dingue. Alors moi, j'étais en plus super mal aimé parce que en fait, tout le monde me connaissait, même le directeur du collège ne m'aidait pas. C'est-à-dire pour te dire, tous les troisièmes voulaient me casser la gueule. D'ailleurs, des fois, je me faisais défoncer par les troisièmes et personne ne bougeait, quoi. Ni prof, ni directeur. Je pouvais courir jusqu'à son bureau avec 30 mecs derrière, enfin toutes les plusieurs classes derrière, et qui me cherchaient, c'était une chasse à l'homme dans le collège. Et le directeur me disait, t'as dû les chercher, il me fermait la porte au nez, tu vois. Voilà. Donc, je me suis fait des fois défoncer dehors, défoncer à l'intérieur, et comme à chaque fois je me relevais, je les insultais, en fait, ils n'arrivaient pas à me soumettre, quoi. Ils ont cassé les côtes à mon pote, enfin, tu vois, ça a été chaud, quoi, tu vois. Et donc, je ne sais pas combien de bagarres au collège. Donc, ils étaient super contents de m'éjecter, en fait, tu vois. Ils étaient vraiment super contents de m'éjecter, c'était vraiment des enfoirés, quoi, avec moi. Et Et c'est à à tout ce ce point prof, que tu le cela sont. sortais du cycle? Sauf ce prof Senasson, tu vois. Et ce prof Senasson, lui, il m'a encouragé à dessiner, tu vois. Et je me rappelle qu'il me disait, ouais, il me faisait faire des rédactions. Et tu sais, quand on faisait des rédactions, il me disait, mais mérite la meilleure note et tout, mais tes idées, elles sont mortelles. Enfin, tu vois, c'est dommage, t'as trop de lacunes. Bon, je peux au minimum mettre la moyenne parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe, machin. Mais il me disait, mais tu mériterais la meilleure note à chaque fois, quoi, tu vois. Donc, en fait, tu vois, il y avait des profs qui m'ont essayé de me tirer par le haut, mais tout le reste, c'était des bâtards, quoi. Tout le reste, il défonçait. Donc, du coup, je me suis retranché dans le dessin en classe. C'est comme ça que j'ai pris le goût, j'ai commencé à dessiner. Voilà, ça, c'est l'histoire de comment j'ai mis un pied dans l'art, en fait. Mais ensuite, j'ai tout abandonné dès que je suis rentré au lycée professionnel. Parce que lycée professionnel, bah, c'était hardcore, quoi. Première semaine, je me tape deux fois, un truc comme ça. En un mois, six fois. Ils ont fait déplacer deux fois la police à cause de moi, tu vois. Enfin, tu vois, donc c'était n'importe quoi, tu vois. Et puis là, j'ai commencé à fréquenter. Bah, très vite, il y avait plein de blagues dans mon lycée. On était 600 mecs, 80%, on était beaucoup, quoi. Il était où ce lycée là? Qu'on s'appelle Gustave Eiffel à Roye, D'accord. à côté de la fouilleuse, là, tu sais, la Ah, la cité, là. fouilleuse, d'accord. Ouais. C'était jardin, tout ça, Suresnes, hyper fouilleux. Et en fait, ils ont mis que des. Tout, en fait, tous les mecs de banlieue, 92, machin, tous ceux qui avaient foiré leurs études au collège, ben, ils se retrouvaient là, on les éjectait dans ces endroits-là, quoi, tu vois. C'est ça. Et tu vois, à peine arrivé, je me tape, quoi. C'est bagarre, direct, quoi. C'est, tu vois, sauf six fois en un mois, tu vois. C'est beaucoup, quoi, tu vois. Et puis, donc, j'ai totalement arrêté le dessin, mais vraiment totalement, je faisais rien, quoi. Et là, j'ai commencé la boxe anglaise, quoi. Donc, j'avais 14 ans. Et là, un an après, donc vers mes 15 ans, machin, tu vois, j'étais dans ma classe, il y avait des blacks et tout ça. Et ils ont commencé, là, c'était l'époque où les Black Dragons étaient en train de se former. Donc, comme c'était la défense et tout ça, là, donc je traînais tout le temps à la défense après le lycée. Puis j'allais à la boxe aussi, tu vois. La boxe, c'était où ça, Jeff? C'était La où? boxe, c'était la première année, c'était quand j'avais 14 ans, c'était à Rueil-Malmaison. Et ensuite, D'accord. c'était à la défense sur le parvis. Donc, du coup, j'allais avec mes potes Black Dragon, tu vois, j'allais à la défense, je squattais avec Ah. eux et j'allais m'entraîner. Par contre, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le tag parce qu'en fait, la banlieue est en train de se remplir de tags. En 84, 85, j'étais plus attiré par la danse, tu vois. Je faisais un peu de break et tout, mais j'étais pas très bon non plus, tu vois. J'étais trop jeune, en fait. Okay. Mais tu as eu quand même, comme beaucoup dans l'histoire, avec tous les gens que j'ai interrogés, il y a 90% qui ont connu le phénomène HIP-HOP, hein, clairement pour faire simple. Ouais, tout le monde. Hein. Donc, en fait, on s'est tous mis à danser le Smurf, en fait, et le break. C'est ça. Et après, donc, il y en a Moi, certains, c'était. c'est redescendu aussi sec, tu vois. Mais c'est redescendu parce que c'était comme devenu une mode, tu Une vois. Donc, mode, on faisait ouais. tous du break, on dansait. Et après, dans les Black Dragons, bah, du coup, là, j'ai dansé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le hard rock, il y avait toutes ces choses, les danses du combat, tout ça. Il y avait beaucoup de soirées hip-hop, tout ça. Donc, du coup, bah, j'allais, je dansais, tu vois. Mais en même temps, j'ai commencé à avoir tous des mecs tagués. Ça taguait dans le métro, ça taguait derrière. Il y avait toujours un tagueur quelque part. Il y avait toujours quelqu'un qui taguait, en fait, tu vois. Ouais, Donc, ouais, du coup, ouais. tu bougeais en bande et tout ça. Il y avait un mec qui défonçait. Et il y avait des tags. Et comme on se baladait dans toute la banlieue, on commençait à. On allait dans, on se tapait avec toutes les bandes de banlieue. Donc, forcément, on allait super loin des fois. Et puis, en fait, bah, du coup, je voyageais, quoi, tu vois. Et là, je commençais à avoir on s'appelle les voies ferrées qui commençaient à se défoncer, les stations. La station de Cergy, qui commençait à être peinte et tout, tu vois. J'ai dit, ouais, c'est mortel et tout, tu vois. Et là, j'ai eu envie de taguer, en fait. Alors, tu saurais dire quelle année, d'après ce que tu me dis, je dirais autour de 88, 89. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à taguer, je pense, en 88. Ça, c'est sûr, en 88. Mais je taguais Strive. Au début, j'ai voulu taguer Boxer, parce que quand j'étais petit, on m'appelait Boxer. Je faisais de la boxe, 14 ans, donc l'université, on m'appelait Boxer, tu vois. Au collège, on m'appelait l'Américain, parce qu'il y avait toujours des cocards et tout, machin, tu vois. Et après, j'ai entendu qu'il y avait un tag qui s'appelait Boxer. Il y avait déjà un graphe, hein, un tagueur qui taguait Boxer. J'étais un peu dégoûté, tu vois. Alors, je voulais faire Boxer Ace, Boxer, je voulais faire un AE, avec un E, tu sais, qui s'appelle faire Boxer, et plus loin, AE. Mais après, je sais plus qui m'a dit, ouais, mais c'est long à taguer et tout, tu te rends compte déjà Boxer. Là, tu rajoutes deux lettres et tout, machin, tu vois, ouais, c'est chaud. Donc, du coup, après, j'ai tagué Strive. Et donc, pendant. Et donc, j'étais avec des marqueurs, des baranes, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. J'allais péter des fois une aérosol, mais bon, c'était surtout du marqueur, c'était facile à voler, tu vois. Mais j'avais toujours repris le dessin. C'est-à-dire que depuis que j'étais au lycée, en fait, j'avais totalement abandonné le dessin. J'avais vraiment totalement abandonné tout ce qui était dessin. J'en avais plus rien à foutre. Et j'ai repris par le tag. Mais le tag, ça restait vraiment du tag sauvage, rien, rien d'artistique, en fait, tu vois. En 89, c'était rien d'artistique. Et j'ai commencé à taguer Chuck, forcément parce que 89, c'était l'époque du Public Enemy et tout, donc avec Chuck, le rappeur Chuck D. Mais Ça en aurait pu même être temps, Chuck Norris, vu tes compétences ouais, aussi, basket, j'allais Chuck te dire Norris. ça, mais en même temps, j'avais kiffé aussi, parce que j'avais encore un poster d'invasion USA dans ma chambre Oh la de Chuck vache. Norris. Ah, il est bien old school celui-là. Donc j'avais au Stallone, Cobra, machin, Commando, machin, tiens. Il y avait encore des petites cartes postales, des machins, des trucs de films et tout ça dans mon bureau, tu vois. Et en fait, je regardais, je kiffais Public Enemy, puis Chuck D, je dis Chuck D, ça claque et tout, comme Blaze et tout, tu vois. Et puis je regarde Chuck Norris aussi, je vois ouais, Chuck, ça claque en fait. Après, j'ai voulu faire Choc. Mais il y avait un Cobra qui taguait, en fait, qui avait une template, tu vois, Choc. Donc, je ne pouvais pas prendre Choc non plus, tu vois. Donc là, j'ai dit, bon, ouais, vas-y, je vais taguer Chuck, tu vois. C'est tout, Chuck tout court, quoi, tu vois. Sauf qu'au mieux de mettre un C, je vais mettre un S, parce que le dessin du S, il est quand même. J'aime bien le S, quoi, tu vois. C'est. Et puis voilà. Et j'ai commencé à taguer Chuck. Chuck TBD, The Black Dragon, Chuck TCP, Cobra Power. Comme un con, parce qu'à l'époque, il fallait avoir trois lettres, je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui a inventé cette règle. Donc il fallait absolument trois lettres, donc PD, ça me faisait chelou de taguer BD, donc je faisais TBD de Black Dragons, et CP, bah CP ça faisait nice, tu vois, donc j'ai mis TCP, The Cobra Power. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le tag. Voilà, donc 88 avec Strive, je me fais choper comme un con, comme un novice, et en 89, Chuck. Deuxième question pour Chuck. Ta vision des writers au bout de la ligne ou ceux que tu aurais pu croiser et les gens avec qui tu vas devenir pote de graphe, quoi, avec qui tu vas faire tes premières lignes, des choses comme ça, un petit peu les premiers copinages et aussi ta vision de ce que tu as pu voir peut-être à Cergy, du Yank. Est-ce que nous, du côté de Saint-Nom, qui était encore une autre ligne, est-ce que tu voyais un petit peu comment ça se développait? Est-ce que tu voyais des mecs plus que d'autres? En fait, j'ai rencontré le premier que j'ai rencontré avec qui c'était mon voisin. En fait, c'était un pote qui était plus jeune que moi, mais qui taguait dans les DKC, quoi. Syme, Syme, Syme, DKC. Et lui, il m'a dit, il m'a commencé à me dire pourquoi tu fais pas des graphes. Alors moi, je lui dis, bah, je sais pas graffer, tout simplement. Je sais pas graffer, tu vois. Il m'a dit, ouais, c'est simple, tu fais des lettres simples et tout, machin, tu vois. Alors, on a été péter des aérosols, des bubs, des sprays à Auchan ou à Bricorama ou un truc comme ça, je sais plus, c'est à la Défense, tu vois. Et puis après, ensuite, on a fait un premier grave dans un lycée, on a essayé du cours d'un collège et tout, qui était tout pourri, on voyait rien, donc on n'a pas la photo. Et comme j'étais frustré, on a été sur la ligne A, en fait, chez moi, à Nanterre, et j'ai fait mon premier transformateur, transformateur électrique, tu vois, et avec un chuck tout bleu. Un choc tout bleu, donc j'ai perdu la photo, je suis dégoûté. J'espérais dans cette la photo de mes premiers graphes. Et avec lui, j'ai fait 3-4 graphes, tu vois, 3-4 graphes sur la A. Et puis en fait, du coup, je suis devenu assez bon très rapidement, en fait, tu vois. J'étais même meilleur que lui direct, tu vois, dès le départ, tu vois. Là, il y a tes années de J'avais dessin sont vite ressorties, quoi. plus la fibre artistique, tout de suite, j'ai vite compris le truc, tu vois. Tu vois? Donc, et là, j'ai commencé à kiffer, mais un truc de dingue. Alors là, après, je voulais. Le tag, bon voilà, c'était bien, mais je voulais plus gâcher mes aérosols pour mettre des tags. J'allais toute la semaine taper des aérosols pour pouvoir à la fin pouvoir faire un graphe, quoi. Donc j'ai économisé mes aérosols, ça c'est clair. Et là, mais j'ai commencé à faire des rencontres avec ces premiers graphes. Et j'ai commencé parce que là, tu fais des tags, on te voit un peu partout. J'allais quand je descendais avec les BD à Cergy, bah je peux pas lancer quelques gothas dans la rue avec des marqueurs, des trucs comme ça. Quand on allait à Mantes-la-Jolie, bon, c'était souvent ça cavalait, tu vois. C'est souvent mal, tu vois. Il n'y a pas trop le temps. Je faisais les intérieurs des RER, donc j'arrêtais pas de faire les intérieurs. Mais ça c'était tout le monde. C'était à l'époque on défonçait l'intérieur des RER. Et puis mais je rencontrais pas trop de personnes, quoi. Je faisais tout le temps avec les BD, donc pour ça que j'avais vraiment l'esprit. Pour moi, les autres tags, c'était des autres gangs, tu vois. Et j'ai pas vraiment fait la relation avec la Zulu Nation. C'était vraiment dans mon esprit, c'était gang. Oui, d'ailleurs, je t'ai pas posé cette question. Musicalement, à ce moment-là, t'écoutes quoi? T'as un Après, truc? j'étais à fond rap là, du coup. Oui, J'étais tu à m'as fond parlé de rap. Public Enemy quand même. Ah Ouais. ouais, Donc toi, t'as fait le lien. Ouais. voilà, donc il y avait LL Cool J, PMD, tu vois, et puis D'accord, ok. KRS-One, tu tout ça vois. là. NW, alors là, j'étais en plein, tu sais, j'allais m'entraîner, je faisais de la boxe avec NW dans la tête, quoi, tu vois. D'accord. Donc, Donc, c'était. à ce niveau-là, c'était cohérent avec le mouvement, en tout cas musique, Ah ouais, non, j'espère. j'étais à donf NWA, à fond Public Enemy, tu vois. Bien sûr, il y avait plein de groupes, DMC, puis MD, voilà, il y avait. Il y avait beaucoup plus de groupes, mais tu vois, les groupes phares, ce que je Bien kiffais, sûr. c'était, voilà, c'est NWA et Public Enemy, tu vois. Après, Ice-T, Ice-Cube, tu vois, bien sûr, tu vois. Ouais, total. Ça, Nous, c'était pareil. pas C'était même eux clic, qui tu vois. commerçaient à cette époque-là. Et donc, avant ça, c'était le funk, la soul, le reggae, dans les D'accord, ok. cités, tu vois. Les Ah ouais. cités de Nanterre, tu vois. En fait, on était les premiers Zoulous, en fait, quelque part pour eux. On s'habillait bizarrement, on mettait une casquette, machin. Et eux, ils étaient encore, les rebeux de Nanterre, c'était encore dans le reggae, le funk. Et le funk, ouais. Donc, forcément, plus jeune, voilà. Et encore, moi, j'étais trop jeune, parce que quand les grands, ils écoutaient du funk et qu'ils vendaient de la cam et machin, etc., tu vois, eux, ils étaient super spécialisés. Ils connaissaient Chalamar, machin, ils connaissaient des noms et tout ça que moi, j'écoutais sans connaître même comment ça s'appelait. Ouais. Tu vois, sauf les groupes super commerciaux comme Kool & The Gang, tu vois. Justement, en parlant de la zik et tout, notamment, il y avait une boîte où j'allais, moi, à côté de Mantes-la-Jolie, tout ça, qui s'appelle Biblos, qui était vraiment le truc. Et bah, à la Défense, il y avait le Midnight. Est-ce que c'est un truc, parce que moi, j'y allais danser et tout. Et est-ce que Le c'est un truc que tu as Pacifique. fréquent? Ouais, Alors, ça, eux, je les n'ai pas connu le Pacifique. Je pense que c'était avant, c'est ça? ouais, c'était avant. Bah, c'était avant, mais c'était en même temps. Il y a un moment, le Pacifique et Midnight étaient ouverts ensemble, quoi. C'est-à-dire que. Et après, c'est à cause de nous que ça s'est fermé, à cause des gangs, machin, des Moi, je embrouilles, me tout ça. souviens d'avoir été pris à partie par les BD. Je pense qu'ils étaient Ouais. 30, 50, 60. J'étais avec 2,5 meufs. En Non, non, sortant, c'était le dimanche après-midi non. et où on allait danser et tout Non, moi, j'étais ça. interdit de Midnight par les videurs, en fait, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, c'était interdit. J'étais interdit. Qu'on s'appelle. Non, ce qu'on s'appelait le grand videur, le russe, là. Pas le. Scander. Scander, il voulait jamais que je rentre. Il voulait jamais, il me chopait. Et un jour, il m'a chopé à l'intérieur de la boîte parce que je suis rentré dans son dos, tu vois. Et il a séparé tout le monde. Il est arrivé vers moi, puis il est super grand, tu vois, comme ça. Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comme ça. Et après, j'ai un pote, il m'a dit, ouais, non, il m'a vu avec quelqu'un qui connaissait un rebeu. Il m'a dit, ouais, c'est un boxeur de chez Antoine, de la Défense. Mais toi, tu boxes chez Antoine? Antoine Lebib, un Kabyle, tu vois. Et c'était D'accord, ok. notre entraîneur, tu vois. Il était super connu, il était videur aussi. Et c'était un club de boxe qui était réputé pour être ultra violent, quoi. Alors vraiment, D'accord. Ah ouais. c'est pour ça que j'étais là-bas. En fait, on se mettait KO à l'entraînement. Oh putain, Chose que d'accord. qui n'existe pas ailleurs, on faisait des vrais KO, quoi, des vrais KO, et puis ramener les mecs de l'extérieur, ils ouvraient la salle le dimanche pour qu'on se tape avec eux, quoi. Tu vois? Oh putain, ouais. Ok, J'ai pas connu. J'ai fait un peu de boxe thaï pendant 3 ans, mais c'était plus respectueux. C'était pas dans ce délire. voilà, non, non, bah justement, on ramenait les mecs de boxe thaï de chez Quidair qui Ah venaient, ouais. voilà, qui venaient, et puis on mettait les gants avec nous le dimanche, un certain qui faisait les, voilà, et puis on leur faisait une petite leçon d'anglaise, quoi, tu vois. Ouais, Mais violente, quoi, tu vois. Il ramenait des mecs de. Tu sais, comme il était videur aussi, une boîte de nuit, machin. Il ramenait des carrières et machin. Il me dit, oh, j'ai des petits jeunes et tout, venez un petit peu, je vous ouvre la salle et tout, machin, tu vois. Puis on venait, et puis on mettait les gants avec eux, puis bam, bam, ça pissait le sang et tout, c'est un truc de ouf, tu vois. Et à huis clos. Et il était très connu ce club parce que c'était des. Ouais, il ne respectait pas la santé, quoi. C'était un ouf, tu vois. C'était C'était un violent. ouf. C'était hyper violent. Je faisais 67 kilos, je boxais des mecs de 90 kilos, des professionnels, des machins, j'étais sparring partner. J'ai perdu deux fois la faculté du langage. Ah Donc, ouais. aussi, juste à l'entraînement, tu vois. Tu Alors, du coup, tes vois. liens avec des crews du 78, tu en as eu ou Paris ou pas du tout Alors, en Paris fait, d'ailleurs? non. Non, non. Moi, enfin, si, avec l'SDK, parce qu'on s'est connus, tu vois. Alors, en fait, voilà, j'ai rencontré. Alors, voilà, en 90, 90, je commence à rencontrer des mecs. Alors, je rentre dans les TSB. Voilà, Ouais. ça, c'est. Je rentre dans les TSB via. Alors, tu vas rigoler parce que là, du coup, j'ai connu un Portugais qui faisait faire de la boxe à la Défense et qui travaille à Photoservice. Et quand il a su que je taguais, que je faisais du graph, il m'a fait voir des photos qu'il avait eues genre de ses clients. Et dedans, il y avait un togs. Ok, non. Il y avait un togs. Et il y avait surtout des photos de Skizu, Soane et tout ça, tu vois. D'accord. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, je leur dis, ouais, tu peux pas les contacter et tout, j'aimerais bien les rencontrer, tu vois. Tu sais, ils me disent, ouais, vous faites la même chose et tout, machin, tu vois. Je dis, ok. Donc, j'ai rencontré Soane, tu vois. Soane, et bon, on l'a bien kiffé, machin, et tout ça. Puis après, Soane, il m'a proposé de rentrer TSB. Je D'accord. suis rentré TSB avec lui, il m'a On dit, ouais, parle bien du mec qui était, nous on les a rencontrés aussi à la Défense, on avait bien sympathisé avec eux, qui était avec un Renoir qui s'appelait Uzi, un grand mec des 357, c'est cette même bande avec Swan. Je sais qu'il traînait avec les CIA, je crois, avec les Skizo. Ah ça me dit En rien. fait, le TSB, c'est le groupe à Phase. C'était des breakers, en fait. C'était des danseurs. D'accord, ok. Phase, TSB. Et c'était des danseurs et tout ça. Et ils étaient connus, apparemment, à l'époque, tu vois. Et sur le break, la danse, ça. Et il y avait deux graffeurs, dont Soane. Et un autre, je ne sais plus qui. Alors, Skizo, il n'est pas rentré TSB. Je crois qu'il est resté CIA. Mais il peignait tout le temps avec Skizo. Et comme c'était l'autre côté de la banlieue, bon, j'avais pas les voir, franchement. Tu sais, j'étais en contact avec Soane, pratiquement, tu vois. Ok. Avec Soane, on avait voulu faire à Soane, ADO, enfin, qui s'appelait pas ADO à l'époque, c'était Cerveau. J'avais fait rentrer, bah, en fait, j'avais recruté des taggers quand je suis devenu chef des Cobras, en fait. Et là, moi, ça, quand ça s'appelle ce moment-là, j'ai fait plein de rencontres, en fait, j'ai fait une connexion avec le graffiti, puis les gangs, tu vois. Et dans les Cobras, j'ai rencontré plein de taggers, tu vois. Et plein des taggers qui n'étaient pas trop connus, tu vois, des mecs du 13e, etc. Ok. Et là, c'était en 89, 89, donc je rentre dans les TSB, fin 89, début 90, non, je pense que c'est plutôt 90 TSB, ouais, TSB. Et là, je fais des connexions, et je fais des connexions un petit peu différentes, parce que je vois les mecs qui font de l'autre côté de la banlieue, tu vois, ce qui n'est pas la mienne, quoi, tu sais. Et ensuite, je suis rentré, j'ai rencontré Sinou. Voilà. J'ai D'accord. rencontré Sinou. Juste après, j'ai rencontré Sinou. Alors, je sais plus, je crois. Pardon, je sais plus qu'est-ce qui nous a présenté. Sinou, il était un peu sceptique, je crois, peut-être au début, je crois, avant de me rencontrer, parce que tu sais, Black Dragon, machin, il aimait pas trop. Oui. Tu vois? Mais du coup, on a discuté, comme on est voisins, pratiquement, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, quand même. Plutôt, je suis nanterre, je traînais au Pablo et tout ça, machin. Bon, ok. Et puis voilà. Alors moi, c'était aussi, enfin, ça faisait partie de mes influences parce qu'il y avait sur la ligne, il y avait Darko, il y avait Sino. Je voyais des, bah, je voyais aussi des Togs et tout, tu vois. Enfin, c'était, je voyais des transformateurs électriques, tu vois, qui claquaient, tu vois, en couleur. Il y avait RCF et tout. Et bah, puis après, bah, du coup, en 91, ouais, je pense que c'est début 91, fin 90. J'ai fait un graphe à la Défense avec Chino sur le quai. Lui, il a fait un gore d'ailleurs, il l'a dédicacé à gore. Ah oui, je vois le Et commerce. moi, j'ai fait un chuck tout. Et puis ça a marqué, ce graphe-là, ça a marqué. Bah, il m'a proposé de rentrer Asa Ah oui. et qui est devenu, qui est devenu, qui est devenu Duc quelques mois après. Voilà. À fait d'accord. Et là, vous allez peindre pas mal d'années ensemble quand même. Voilà, et après, 80... alors lui, c'est parce qu'il avait son appartement et tout, donc du coup, on allait chez lui, on dessinait et tout ça, donc on dessinait ensemble, on faisait nos sketchs ensemble, quoi. C'est Ouais. coup, là, niveau influence, ça a été vraiment mortel parce que du coup, ça m'a fait rentrer vraiment dans le, tu sais, dans un style vraiment purement graffiti, lettres, lettres, lettres, lettres, lettres. Et du coup, c'est comme ça que j'ai repris un peu le goût du dessin, en fait, tu vois. C'était plus, ça devenait, ça devenait, ça devenait, il fallait faire de la couleur, il fallait faire du graffiti, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'en Moi, j'ai gros, des j'arrive pas. souvenirs de toi justement où tu vas vite rapidement faire des grandes pièces. C'est ce que je disais aussi à Stéphane quand je l'ai trouvé à côté d'un hôpital en bas de la Défense à gauche quand tu vas vers Paris. Il se souvient un mur d'un garage privé ou un truc en bas de la descente du train. Et il y a des grands murs. Et pareil, les premiers chocs que j'ai, il y en a un sur un bâtiment tout jaune, un gros choc sur un bâtiment comme une résidence. Et les trucs, tu vas les faire très grands tout de suite, moi, je trouve. Ouais. Sur la ligne A, surtout sur la ligne A et sur un peu à Saint-Lazare, mais sans beaucoup sur la ligne A. Bah, en fait, ouais. Et je me suis. Enfin, ah oui, ce qui m'a aidé aussi, ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est qu'en fait, Nanterre, c'était ravagé de taille, mais vraiment ravagé. Donc, il y avait les TCP, donc moi, mon groupe, comme j'ai recruté beaucoup de taggers, donc je suis devenu le leader des Cobras. Et bon, j'étais encore en pleine guerre de gang, mais bon, voilà, j'ai. Voilà. Et puis, à un moment, en 90, je me fais tirer dessus encore une fois. Là, franchement, ça a été super chaud parce que la balle m'a rasé la tête, tu vois. Oui. Je recrute des taggers et j'essaye de plus rentrer dans les embrouilles, tu vois. De plus rentrer dans D'accord. les embrouilles entre gangs, tu vois. Et en recrutant des taggers, j'ai recruté des rappeurs. Donc, j'ai recruté deux rappeurs, deux ou trois danseurs. On a voulu essayer de faire un groupe de rap, bon, ça n'a pas forcément fonctionné, tu vois. Il y a aussi l'histoire d'écho entre les rappeurs et tout, ils sont relous, tu vois. Et qu'on a du mal à travailler ensemble, enfin, tout simplement. Et ensuite, mais pour coup de tagueur. Et en fait, à Nanterre, on était vraiment nombreux, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait les DKC, il y avait les DKA, il y avait les Oui. TCP. Rien que dans les D'accord. TCP, on était plus d'une cinquantaine. Ah, Dans c'est les énorme. DK, il y avait je sais pas combien de personnes. Alors lui, Nick, dès qu'il te croisait, 5 minutes après, il te faisait rentrer DK, donc c'était rapide, tu vois. Et des DKC, pareil. DKC, plein de petits, machin, tout le monde faisait rentrer tout le monde, etc. Moi, non, moi, c'était assez restreint. Il fallait des fois être pote pour entrer dans les TCP, tu vois. C'était alors, le pote d'un pote, mais il fallait vraiment qu'on me demande et tout, machin. Il y avait une Jusqu'à hiérarchie, aujourd'hui. comme on dit. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, je comprenais pas le principe de juste te faire connaître, tu vois, genre. Rentre juste parce que je fais de la pub, quoi. C'est n'importe quoi. Après, t'as des mecs qui se détestent, qui peuvent pas s'entretuer dans le même groupe, tu vois. Tu vois. Donc, ça a pas trop de sens pour moi, tu vois. Donc, mais du coup, à la fin, il y avait énormément de monde à Nanterre. C'est là que j'ai connu en 90 Stack, les TGV. Ils venaient à Nanterre peindre avec nous. Il y avait, comment s'appelle, Honnête. Il y avait, comment s'appelle, Jiwi, Ouais. avec les SDK, avec SDK, Opa, il y il avait y avait Opa, Opac. Opa qui c'était tout petit, il était jeune, tu vois. Ouais. Moi, dans les TCP, j'ai fait rentrer Sésame. Ouais, d'accord. Sésame, Sésame qui venait, j'ai fait bah, le, avec Sésame, ça, leur premier train, c'était avec nous, avec Sino. D'accord. Et puis après, bon, après, ils sont devenus super connus parce qu'ils ont tout défoncé. Ouais. Dans les TCP, j'avais fait rentrer Cruz. Il était CTP, il avait son propre groupe avec Sleaze. Ils étaient trois, je crois. C'était Sleaze, Cruz et l'autre, c'est Jester, je crois. Un truc Ah, je comme me ça. souviens pas de lui. En fait, c'était un tout petit groupe, tu vois. Et ils étaient trois, tu vois. Et après, bah, j'ai fait rentrer Cruz TCP. Donc, il a tagué TCP, machin, etc. Après, je crois qu'il s'est fait choper. Il taguait Haze, je sais plus. Ensuite, après, il est rentré Duke. Et puis, ensuite, après, il s'est fait connaître. Il a fait son problème de chemin. Et il a tagué Si. Et puis, on Si, vient, je l'ai je perdu de vue. Parce qu'après, il était avec d'autres groupes, tu vois. Et puis, il s'est vraiment spécialisé dans le métro et tout ça. Justement, t'es pas trop. Je te prends en référence Stéphane Sino, parce que c'est plus facile pour moi, parce que je connais bien tout son historique. Et lui, par exemple, n'allait pas à Paris, tu vois, jamais. Le terrain de Chapelle, il a dû y aller une ou deux fois pour mater les trucs, mais il était quand même pro-banlieue. Moi, j'appelle ça le pro-banlieue. Est-ce que tu étais comme ça? Est-ce qu'il y avait des connexions parisiennes? Est-ce que tu allais à Paris mater des trucs? Moi, je suis totalement pro-banlieue, moi. Et alors Pro-banlieue aussi. moi j'ai deux raisons pour là, ça. C'est pas peut-être que j'aurais été autrement, mais j'étais pro-banlieue, c'est-à-dire que je voulais mettre la couleur chez moi. C'est-à-dire que je Ok. voulais. Moi, j'étais vraiment dans mon esprit gang, donc territoire. Ouais. C'est-à-dire que je voulais que tu viennes chez moi, tout soit défoncé. C'est-à-dire que quand quelqu'un traversait la ligne A du RER, machin, ils disaient, même il y a un moment, ils disaient, ouais, la ligne A, c'est la ligne à Chuck, tu vois. Si, je l'avais totalement défoncé en Gotha, quoi. J'allais super loin, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui le fait remarquer dans le livre Paris City, tu vois, ou je sais plus dans quel livre, ou pareil, tu vois. Ouais. Peut-être le livre Hasard, qui le faisait remarquer. Parce que, par exemple, les mecs de Mantes-la-Jolie pensaient que j'étais un mec de Mantes. J'ai rencontré Ben une fois une expo. Il m'a dit, pour nous, t'étais un mec de Mantes-la-Jolie. T'étais une légende chez nous. Ah, c'est Je dis, énorme. mais j'ai jamais habité à Mantes-la-Jolie. Moi, je suis un mec de Nanterre. Il me dit, ouais, mais pour nous, t'es un mec qui habitait à Mantes. Mais on dit, mais c'est qui celui-là? Il défonce tout. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je kiffais la banlieue. Et j'allais super loin. Il y a des gens, ils avaient vu en 90, ils avaient mis tag à Dourdan. Ah ouais, Dourdan. Ouais, T'es putain. loin pour Dourdan pour moi, mais en fait, Ah parce que moi ouais. j'allais au bout des lignes et je revenais vers Paris. Je faisais pas l'inverse. J'allais pas à Ok. Paris pour après m'éloigner. Je faisais Ok. l'inverse, moi. J'allais d'abord au bout et je revenais. Premier graphe que tu vois à quand s'appelle, il paraît que c'est le premier, je sais pas, hein. Il y a peut-être avant, mais le premier graphe que tu vois à Mantes-la-Jolie Station, c'était en 90, c'était bon, c'était un gros doré noir, machin, tu vois. Voilà, D'accord. et Ben m'a dit, il nous a choqué le graphe, quoi, tu vois. Ça arrivait un matin, on voit, paf, le transformateur, le truc. Un gros choc, il n'y avait pas le 2 encore, je savais choc, tu vois. Ouais. Donc un gros choc. Ah si, si, j'ai mis le 2 là, c'était en 4 début 90, j'ai mis le 2, là, un choc tout en doré noir. Et du coup, pour revenir à la partie des trains, comme on va arriver, l'âge d'or, moi que je cite dans le livre qui est plutôt 92-93, où à peu près tout le monde va s'exciter, en tout cas sur la PSL notamment, à ce moment-là, est-ce que vous voyez les trains que nous on réalise du côté de Marly, tout ça qui tourne pas beaucoup. Est-ce que vous les voyez passer quand vous êtes sur la Défense, Nanterre, les choses comme ça? Parce que Bah ouais, on les voit on voit arriver. beaucoup Est-ce qu'il y a des de échanges? Parce que je sais que Stéphane, je lui garde la surprise, il y a au moins 60% des photos qu'il n'a pas vues, qui n'ont jamais tourné, les mecs n'ont pas vu. Donc on a pas mal de trains qui ont, parce que ça allait directement au bœuf, mais on était quand même sur la même ligne, tu vois. Et je me suis toujours demandé si toi tu les voyais de ton côté, si tu étais conscient qu'il y avait moi, Thierry et moi de l'autre côté avec d'autres gars, avec les TER et tout, est-ce que tu voyais des choses? Moi, j'en entendais parler. Mais en fait, je les voyais pas forcément. Pourquoi? Parce que moi, j'étais sur la ligne A. Et c'est quand j'allais à la Défense, et quand j'allais à la Défense, j'étais toujours du côté du quai A, je prenais pas la Saint-Lazare. D'accord, ok. J'allais sur la Saint-Lazare que parce que j'allais peindre de temps en temps sur la Saint-Lazare. Mais par contre, c'était pas mon transport, en fait. D'accord. Alors on a fait de la A aussi Transport, avec Faudet, tout ça que tu connais, Skaz et Faudet, tout. ouais, bien sûr, Il y a voilà, tu vois. des belles photos qu'il y aura dans le livre, vraiment, vraiment mortelles. Donc après, j'entendais parler. Et après, donc j'allais à l'entrepôt de Saint-Cloud de temps en temps, machin, mais c'était un peu parano. Je me suis fait courser deux fois ou Ouais, une fois, Saint-Cloud, enfin. il était tout trait, celui-là, je ne l'aimais pas, Ah, il était celui-là. tout très arrivé d'un seul coup. Je me suis fait Ouais, tu vois, bien t'étais un peu défrayer. enclavé et tout. Avec Thierry, on ne l'aimait pas, celui-là. Aïe, j'aimais pas celui-là. C'était un. Voilà, je me suis fait quand même ces cours deux fois, c'était un peu chaud. Après, j'avais fait des. Après, j'aimais bien. Bon, voilà, c'est vrai qu'après, il y avait aussi. Attends, si je dis pas de conneries, la Saint-Lazare a se croisé avec la A aussi. C'est à Nanterre U, non? C'est pas par là? Nanterre U, ça se croise avec la Saint-Lazare. Donc après, je faisais Sartrouville, machin, etc. Et vous, la Saint-Lazare qui va vers la Saint-Germain qui va vers Versailles, c'est ça? Ah ouais, C'est alors avec excuse-moi, oui, Anand la vas-y. Bretèche et Versailles, ouais. Ouais, alors le croisement, il était à Saint-Cloud. Donc t'es à Saint-Cloud, tu vois. Ouais, Saint-Cloud, t'allais vers Versailles, rive droite ou Rive rive gauche, droite, je sais plus. ouais. Rive droite, voilà. Voilà. Rive droite, ouais. Du coup, moi, c'était pas du tout moi, je taguais, en fait. J'avais mis des tags et tout, et quelques graphes, quoi. Mais en fait, je voyais pas les trains parce que je prenais jamais cette ligne. Ok, t'as des souvenirs sur la ligne A d'un mec qu'on a connu un ovni? Ouais. Est-ce que t'avais entendu parler de, à l'époque? Avoc. Ah, si, si, absolument. Absolument, c'était mon Ouais. époque. C'était mon Ça, époque. c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable parce qu'en fait, ils faisaient des intérieurs de RER et Ouais. du FAT aussi, au FAT, ils taguaient Avoc, Avoc, Avoc, Avoc, et il a disparu d'un seul coup. Ce qui est incroyable, c'est que, et c'est un peu le reflet aussi du livre qu'on veut mettre en place, c'est que finalement, Avoc aussi, ça a été une rencontre assez incroyable. Et c'est aussi un mec qui nous a montré des choses à son niveau qui nous ont permis de développer derrière des choses. C'est grâce à ça, tu vois, les rencontres, elles sont intéressantes quand ça se passe bien entre les gens et puis on peut tous partager des choses. Et nous, c'est vrai qu'avec lui, l'apport du Fat Cap, la Belton et compagnie, ça a été des révélations. Ça a été des révélations, vraiment. Lui, c'est un étudiant en chimie qui habitait au Vésinet. Rien à Ouais. voir avec une cité ou quoi du tout. Le mec était dans une Ouais. maison de dingue. Il Ah, avait un atelier, il faisait des encres lui-même et tout. C'était un scientifique déjà, le chum. Exactement. Je me doutais qu'il habitait là-bas parce que je mettais beaucoup de Gotha sur le Vésinet et Chatou vers la gare. Elle était défoncée, il y avait beaucoup d'Havoc. Donc en fait, il y Ouais, avait une concentration de Havoc et je savais qu'il venait de là, hein, j'en étais persuadé. ah, c'était un personnage fabuleux, en plus vraiment un bon mec. Et c'est vrai qu'il y a eu cette coupure après. D'un seul Il a coup. disparu il a Il s'était disparu totalement. chauffé, il s'était chopé ou il arrivait quelque chose, je sais pas, c'est chelou Je sais quoi. pas, ouais. Moi Bon, non plus, après, je peut-être sais un plus, ouais, parcours de comment elle a vie après, terminé. parce que je pense Ouais, qu'il était amené à trouver un job et puis peut-être qu'après il a coupé, il se voyait peut-être plus. voilà, mais c'était marrant parce que tu sais, on avait des noms qui apparaissaient comme ça et puis on rigolait. Puis moi j'étais dans une espèce de constance, tu vois, genre où je parcourais les voies ferrées et en fait, du coup, bah, il y avait des. Sur la ligne A, je me rappelle de Havoc, quoi, tu vois, et tu vois, tu dis ça me rappelle des souvenirs de ouf, tu vois. Ouais. Ah, c'est marrant. On le met pas mal en Ouais, avant dans le livre, enfin, avec les. ça J'avais me pas rappelle des mal le souvenirs de ouf. photo. Je l'aurais jamais rencontré, machin, et je voyais qu'il venait pas du tout de ma. Enfin, voilà, qu'il venait d'un autre quartier, ça, c'est clair. Bah, c'est un autre univers, mais c'est ça qui fait la magie de ce milieu. Finalement, il y a eu un mélange de plein de personnes. Après, je me rappelle, moi j'aimais bien aller vers. J'ai fait pas mal de grappes vers le Vésinet, machin, tout ça. D'ailleurs, j'ai eu des petites frères vers le Vésinet et tout ça. Sur les Ouais, bords de. Château-Croissy aussi, j'ai vu, Bah, il y avait ça. Château-Croissy, j'avais fait un TCP en plein milieu des voies, devant la rue, quoi. Il y avait juste les qui nous séparent, quoi. C'est ça. Et puis, en fait, je fais un TCP et en doré aussi, je crois que c'était mon époque où je voulais faire du doré, je crois, doré. Et puis d'un seul coup, les keufs arrivent. Alors, je sais pas ce que j'étais balancé, j'en sais rien, parce qu'il y a des pavillons en face. Je me mets à courir jusqu'à un mur où il y a du lierre qui tombe. Et là, je rentre dans le lierre comme ça, et je suis debout comme ça. Et puis, avec leurs lampes, ils sont en train de. Les keufs, ils comprennent que le graphe, il est frais, quoi, qu'il n'est pas fini, qu'il est là. Donc, ils savent que c'est pas possible. Mais comme c'est super dégagé, ils te cherchent, tu vois. Ils disent, mais il est là, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Puis, avec leurs lampes, ils sont en train de faire le mur comme ça, tu vois. Puis la lampe passe sur mes pieds, en fait. Passe. Pour moi, ils m'ont vu, tu vois. Ils m'ont vu, mais non, ils ne me voient pas. Tu vois, je bouge pas, je bouge pas. Là, j'allais courir. Je dis, je cours pas, je cours. Et puis non, mais non, en fait, je crois qu'ils me voient. Et en fait, ils ne me voient pas. Mais si c'était concentré, ils auraient vu qu'il y a mes pieds qui dépassent, quoi. Enfin, tu sais, genre, le lierre, il va pas tout, il va pas jusqu'au bas. Et je suis là Ah, comme mais ça, avec je. les contre-jours, il y avait des phases possibles avec les contre-jours en Oui, plein milieu. voilà, donc t'as beaucoup de chance des fois comme ça, tu vois, tu vois quand même Les mecs sortaient de l'apéro, en fait, c'est pour ça. non, non, mais c'était chaud parce que tu cours sur les voies là, à ce moment-là, il n'y a pas d'endroit pour se cacher, c'est soit tu cours à droite, soit tu cours à gauche, quoi, tu vois, Ouais. c'est Bah tu nous au choisis. Vésinet aussi, une des premières courses-poursuites, on s'est caché avec Thierry près des lacs là et tout. Pareil, t'avais les petites barrières vertes à l'époque, tu te souviens? T'avais que des Ouais. petites barrières C'est pas ça, c'était hautes. derrière. Les keufs, ils n'avaient plus qu'à les sauter, quoi, c'était Ouais, facile de t'approcher, c'était quoi. t'étais à découvert à mort, c'était assez compliqué, ouais. Puis à cette Moi j'ai heure-là, dit il y avait bah que les keufs qui là-bas, il y avait que les keufs qui il y avait roulaient à les cette heure-là. keufs et puis moi avec ma dégaine et tout si je me baladais dans la rue ça je me suis arrêté direct tu vois. Et donc j'ai kiffé cette époque hein. Vraiment cette époque 90 là j'ai surkiffé hein, tu vois c'est Est-ce vraiment que c'était la période où on s'était vu au terrain vert? ça le terrain vert À c'est à quelle 80 période, ça? ah, 4, 80 alors il y a le terrain vert il a commencé en 90 Ah oui, c'est ça. 90. Ensuite, Ouais. après, on l'a ouvert en 91, un deuxième terrain, c'est ce que les gens les appellent Nanterre Circus, c'est Nanterre U. Ah ouais, non, moi je t'ai vu au terrain vert, je crois. Et au terrain vert, alors Ouais. au terrain vert, il y avait. En fait, voilà, c'est ça qui. Parce que tu m'as parlé tout à l'heure des grandes fresques. Bah, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait des grandes fresques. C'est grâce à Nanterre, en fait, grâce à la OSMJ de Nanterre. Parce que moi, j'avais le truc, je sortais du lycée. Je sortais au lycée. Déjà, bon, bah, je sortais du lycée, j'allais à la défense pour m'entraîner. Je restais avec les bacs dragons, j'allais m'entraîner. Après l'entraînement, bah, j'allais péta à Auchan, juste avant que ça ouvre. Je faisais exprès de prendre ma douche super vite. Et à 9h30, 9h, à 21h, hop, je crois que ça fermait Auchan, ça fermait à l'époque, ouais, c'était 9h30, donc de 21h30 ou 45, ou je sais plus combien, tu vois, ça fermait tard. Tu vois. Et je courais direct à Auchan, j'achetais une canette de Coca. Et en fait, je tapais des bobs en même temps. Deux bobs à chaque fois son truc. Et je passais à la caisse. Et je faisais ça avant l'entraînement et après l'entraînement. Tu vois? Donc, j'essayais de taper des bobs tous les jours. Enfin, au moins 3 fois par semaine, tu vois. et j'ai accumulé les aérosols. C'était cher pour moi, c'était difficile de, tu vois, d'accumuler beaucoup d'aérosols pour pouvoir faire des graffs. Donc je ne pouvais pas faire des grandes fraises, je pouvais faire que du Vandal. Et encore moins du train, je n'allais pas gâcher des aérosols sur un train qui va être effacé ou qui va rester quelques jours, tu vois. C'était pas possible, tu vois. Je regardais Subway, j'avais envie de répleux, je dis, ah, j'aimerais bien pouvoir faire un wildcard, tu vois, c'est pas possible. Il faut être combien d'aérosols, il faut que je pète pour pouvoir faire ça, tu vois. Et là, il y a eu cette occasion, mais en or. Et en or, c'est fait que Nanterre s'était tellement défoncé de tag que les petits malins du SMJ, ils ont donné un budget à un mec qui s'appelait Ahmed Kartobi. Et en fait, ils nous ont dit, voilà, va, sa mission, c'était quoi en fait? C'était de venir nous chercher et nous sortir de l'ombre, en fait, de l'anonymat. Donc, il a ouvert le terrain à Nanterre, le terrain vert. Le terrain vert, Et effectivement. moi, en fait, je vois le terrain vert qui est en train de se remplir de graphes. Ils avaient rouloté, ils commençaient à faire des graphes. Alors moi, j'arrive et il y avait le bout du terrain, en fait, qui n'était pas rouloté, en fait, il n'y avait rien, tu vois. Et moi, je commençais à faire mon graphe, je commençais à faire un graphe en couleur. Et là, il y a Ahmed Kartobi qui arrive, il y a Kill qui arrive aussi, tu vois, il était tout petit. Kill. Et puis, Kill. Kill décassé, tu vois. Après, il y a. C'est pas le même. Si c'est un petit blond. Non, c'est un Renoir, c'est Kill, le chef des décassés, tu vois. Ah ouais, ok. Le Oui, groupe je connais. de décassés, c'était des jeunes pour moi, tu vois. Et il y avait Kill, tu vois. Et il y a Ahmed Kartoubi qui vient, puis qui m'a dit, ah, c'est toi, Chuck, et tout, machin, et tout. Ah, tu défonces tout. Et elle me dit, ouais, tu fais mal à la ville, quoi, tu vois. Tu fais mal à la ville. Il me dit, écoute, si tu veux peindre et tout, là, c'est nous qui sommes à l'initiative de ce terrain. C'est la ville qui nous l'a donné. Tu peux peindre tout comme tu veux, tout. Mais voilà, et si tu veux du matériel et tout, tu vois, si tu. On va faire des on va on a l'intention de faire des festivals et tout, des festivals de rap, enfin de faire des. Ah, je vois, c'est super et tout. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à connaître le SMJ. Et ils nous ont donné l'occasion, en fait, de faire de la fresque. Et très très vite, j'ai commencé à faire des grosses fresques et tout, payées par la. Par, enfin, payées, financées au niveau du matériel par le SMJ. Ah, c'est magnifique ça, c'est sûr. C'est Tout. sûr. Alors imagine, alors attends, imagine le truc, c'est-à-dire que le mec, on part ensemble au puce de Montreuil, on l'achète les aérosols. C'est la Énorme. SMJ qui les achète. Moi j'étais, mais elle est tombée quand j'ai commencé à dire, ah, je veux le vert, le violet avec le vert bouteille, avec le vert pâle, machin, tu sais, les spray color là. C'était les spray color avec ça. MJ spray. Non, là c'était MJ, on l'a acheté chez Indiespray et on l'allait aussi au puce. Donc on l'a acheté des spray color, tu vois. Et Gisprey, il était à Aulnay, je crois. Oui, Non, c'est ça, c'était le c'était roi de la. Aulnay. C'était Aulnay. Donc, de temps en Aulnay, temps, oui. on l'a été dans son pavillon Aulnay. Mais au début, en 90, on allait au puce de Montreuil, en fait. Et on Ah achetait oui, des bien spray sûr. color. Après, il y a eu un magasin dans Paris aussi, un truc de chaussures de sport. Oh, ça me Ça dit quelque faisait chose. clandestin un peu. Des mecs qui vendaient des chaussures. Et après, il y avait un rideau. Et de l'autre côté, tu rentrais dans une pièce et ils vendaient des Ah ouais, sprays. ça me dit quelque chose. C'est marrant, Du ça. coup, vous reveniez comment avec les quantités de bombes astronomiques Non, qu'il y a des un fois peu? on y allait avec un gros sac, on y allait en métro, et des fois il prenait une camionnette de la SMJ. Ah, c'est ça, oui. Un truc de ouf. Et t'es là comme ça, t'as plein d'aérosols devant les yeux et tout, puis t'as choisi tes couleurs, quoi. C'était guedin pour moi, tu vois. Et on faisait des festivals. Et peut-être on s'est rencontrés. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés, je m'en rappelle plus. Alors je sais qu'une fois, attends, alors, je suis venu chez Togs. Ah, je sais plus, ouais. Avec Darko. Je suis venu une Ah, fois, il y c'est a longtemps. possible, ouais. J'ai vu, je suis venu une fois chez Togs avec Darko. Ah ouais, je m'en rappelle C'est le plus, tu vois. souvenir que j'ai. Darko Ouais, est monté chez Togs. moi, je me rappelle de l'histoire où on était arrivé, je sais plus d'ailleurs par quel biais, hein, je sais plus quelle était la personne qui m'avait fait découvrir un peu le terrain là-bas. Je sais pas si c'est Stéphane ou quelqu'un d'autre. Il y avait Ozoï aussi, peut-être, je sais plus. Ouais, il y a Ozone. En fait, Il n'y avait ça pas, arrive on n'a ce pas terrain. parlé des DBC aussi, il n'y avait pas eu un lien avec Ah. les DBC? Bah, en fait, Bah, voilà, je sais pas, mais en moi, fait. quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas mal fait de trucs avec Beers, Ozoï, Vénère et compagnie. Mais c'est vrai qu'on s'était retrouvé là-bas avec Chuck. On s'est retrouvé là-bas. En fait, ça a fait comme une espèce d'école Nanterre. C'est Ah ouais, c'était ça le lieu de rencontre, hein, un c'est ça. peu comme la SMJ nous donnait du matériel. En fait, le mec, c'était un animateur spécifique, spécialisé sur le graffiti. C'est-à-dire qu'il avait un budget annuel où on proposait des murs, on proposait des murs et nous les donnait avec le budget qu'elle avait, avec la bouffe, des pizzas, ce que tu voulais, tu vois. Et toutes les vacances, l'été ou n'importe quoi, ben, on trouvait des murs et on peignait. Nous, notre activité, c'était de peindre des murs pendant les vacances, tu vois. Oh, c'est Il magnifique, ça. fallait occuper les jeunes avec ce qu'ils aiment, c'était assez Pour pas qu'on simple. fasse des conneries et qu'on arrête de taguer. Bon, alors, Ouais. on continue à taguer, mais en dehors de Nanterre, ou un petit peu moins. Et ils se disent, ah, vas-y. En fait, c'était un espèce de. Comment ça s'appelle? C'était un espèce de contrat tacite, quoi. Non, mais C'était c'était une super façon de proposer un de l'animation et de voilà. gérer de l'animation auprès des jeunes. Après, bon, oui, nous on a eu un petit peu ça. On a eu un Sortir de petit peu de ça l'anonymat, chez tu nous vois. parce C'est que. qui maintenant, tu vois? Non, mais nous, on a eu ça sous une forme différente avec David quand David est allé voir les gars un peu de la mairie où on était. Ça n'avait rien à voir avec la ville de Nanterre en termes de décor et de qualité de vie, etc. Mais nous, on n'avait pas de budget, on n'avait rien pour faire quoi que ce soit. Et du coup, il a réussi à décrocher la MJC, tu vois, qui était devenue notre base Ouais, nous, il y avait historique, tu vois, le mur d'entraînement, derrière. de peinture ou sur le mur de la MJC, si tu veux, on nous a accordé un mur d'entraînement qui donnait sur l'arrivée du viaduc, tu vois, c'était assez symbolique finalement. Donc c'était le train passait, on le voyait arriver et on avait ce fameux mur d'entraînement, donc c'était drôle. Donc tu as eu pas mal de murs qui ont été faits là-bas et puis c'était devenu un lieu de rencontre et plein de mecs sont venus, on a réussi à prolonger aussi les bonnes relations qu'on avait avec les gars, à les inviter, ça se passait super bien quoi. T'as Darko qui est venu, il y en a plein qui sont venus sur le mur d'entraînement là-bas qu'on avait. Eh Le ben, fameux MJC, mais on n'avait pas le budget que t'avais toi avec les bombes. c'est pour ça qu'on a rencontré Darko aussi. On l'a fait Ah ouais. venir Darko. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, on a invité génial. Darko. On a invité Darko, il est venu pendant genre pour une peinture. En fait, une peinture. On a fait une peinture au Pablo Picasso, en fait, avec à l'intérieur d'un s'appelle d'un espèce de centre aéré, on appelle ça un centre aéré, une petite école, en fait, une petite école. Et moi, j'ai dessiné un schtroumpf, tu vois, j'ai dessiné un schtroumpf avec un petit château, machin. Il y avait Raël qui a fait un petit graphe et Darko qui a graphé. C'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. On l'a fait venir Darko en 90, dans cette petite école, invité par le SMJ, payé par le SMJ, genre, voilà, on paye des bombes et tout ça, machin. Et Ah, magnifique. il a voulu nous rencontrer, on s'est rencontrés, tout ça, parce qu'il voyait bien notre gotha aussi, on défonçait tout, tu vois. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on l'a fait venir aussi Olivier Mégaton. Ah, mortel. Ah, ouais, clairement. Via Patrick Pochet, un mec qui était dans le truc de musique, machin, musique alternative, par exemple. Et donc, il a fait venir Olivier Mégaton. Et tout le temps dans ce cadre de genre d'invitation, festival, machin, tout ça, ou atelier graphe, je sais pas que tu peux appeler ça. En fait, c'est pas naturel parce qu'on était déjà des graffeurs, donc on graffait, tu vois. Et Olivier Mégaton est venu. Et ensuite, après, ils se sont réunis, Olivier Mégaton avec la SMJ. Et ils ont eu l'idée de faire une association qui s'est appelée Ozone. Et avec Ozone, avec la en collaboration avec la mairie de Nanterre, en fait. Et là, en 91, on a ouvert le deuxième terrain, qui est le deuxième terrain, qui est la petite école, quoi, la petite école que vous appelez Nanterre Circus. Et là, on a ouvert un atelier graffiti. C'est-à-dire qu'on Ah, a top ça. peint la cour intérieure. Et il y avait un grand mur à l'extérieur que c'est moi que j'ai pu peindre. J'ai fait un grand kill d'ailleurs. J'ai fait un grave kill. Peut-être que je t'ai envoyé la photo d'ailleurs Ouais, avec la je mort vois au bien. milieu. C'est ça. Et ça, c'est le premier graphe du terrain de Nanterre Circus. Il est historique. Le premier graphe que tu vois dans Nanterre Circus, ben c'est nous. On l'a peint l'intérieur de la cour et l'extérieur. Et moi, j'ai pris le plus grand mur. C'est le premier graphe. Tu vois, comme on l'a fait le premier graphe au terrain vert. Le premier graphe, c'est nous. Il n'y avait pas de sous-couche, rien du tout. J'ai fait, voilà, 90. Donc, on a ouvert les deux terrains, en fait. Et avec Mégaton, C'est quelle année tu penses là, du coup? 91, 80, c'est 91. On s'est rencontrés, à mon avis, fin 90 ou 91, c'est sûr. Voilà. C'est dans cet esprit-là, quoi. Ouais, je pense aussi. Hein, mais Voilà. même quand Darko m'a pris, ouais, je sais qu'on a été, je sais plus quelle ville et tout. Il m'a dit, il avait visité un de ses potes. Et en fait, je me rappelle, c'était où? C'était Togs. Tu vois, je me rappelle du nom Togs, quoi. Ou peut-être c'était Yohan, mais maintenant je sais plus, tu vois. Mais en fait, il faudrait demander à Darko qui on a été visiter ce jour-là. Ouais, ça va être intéressant, c'est une bonne. Et tu vois, on a ouvert les deux terrains, en fait, grâce à la SMJ. Et on est passé à la télé, on est passé sur M6 Express, d'ailleurs. On voit en train de faire mes premières toiles et tout, qui datent de 91, là, mes premières toiles, on les filmait et tout ça en train de peindre. Et on passait sur M6 Express. Et on l'a été filmé. Ils nous ont jamais donné la bande. Ils nous ont promis, ils nous ont carotte, les journalistes, comme d'habitude, tu vois. Hein? Et avec Mégaton, on avait fait aussi qu'on s'appelle, on avait fait des grandes toiles de 10 mètres de long de chaque côté pour les fonds de scène de la Mano Negra. Et après, c'est avec ce fond de scène, on s'en est servi aussi pour le concert de IAM au Zénith de Montpellier en 91, et où ils commençaient à peine à être connus. En fait, personne ne les connaissait. Moi, je ne les connaissais pas. Je les ai découverts là-bas. On D'accord. l'a fait. On est descendu à, je sais pas combien, une cinquantaine de graffeurs là-bas dans un festival. On l'a décoré. En fait, on a mis les fonds de scène du Zénith pour décorer le Zénith. Et puis on a commencé à tout défoncer, Gotha et tout ça. Bref, on nous a enfermés dans un gymnase parce que les keufs, ils voulaient pas qu'on sorte du gymnase. On s'est sauvés, on a été tout péter la gare et tout. Enfin bref, on a fait que des gremlins, qu'on a tout défoncé à Montpellier, tu vois. Et en faisant tout, imagine le budget, quoi. C'est-à-dire qu'on louait des cars, on allait dans des festivals, etc. Tu vois, Ouais, c'était faut ouf, bien quoi. lâcher. Et il y a eu aussi un truc, j'ai vu par contre le truc, la bande vidéo, un truc qui avait été organisé par la SNCF à La Défense, où tu sais, vous avez soi-disant sélectionné des graffeurs. Et on Ouais, a. c'était Ouais, normal, c'était c'était un truc une. Ozoï, ça, c'était Ozoï, c'était ses parents, lui. Il m'a fait rire. Il m'a fait rire. C'est son père. Alors, c'est son père qui fait partie du jury. Lui, il est payé en tant qu'animateur pour superviser, puis il participe au concours, et puis il gagne le concours. Ouais, c'est ce que j'avais noté entre les faux graffeurs, les graffeurs, machin. C'était limite, t'as tous les mecs de la défense et tu vois pas un mec de la défense en vérité. Il n'y a pas un mec. C'est super étrange. C'était une embourbade. Il a organisé le concours. Son Ouais, père, c'est il fait partie du jury. Il est payé pour l'organiser, et il fait le concours et il gagne les concours. putain. Il est Ah, trop chaud. c'est de la bonne politique française, on est bien. Voilà, du coup, voilà. Donc, ça démarre. Alors, moi, bon, voilà, j'ai pas un petit le mur, machin. J'étais même pas au courant que c'était passé à la télé. Je l'ai su, là, l'autre fois, sur Facebook, tu vois. Oui, c'est On peut ça, dire. moi aussi je l'ai vu là où il y avait plus de détails. Voilà, du coup, j'ai dit, purée, c'est passé à la télé. Et Ozoï nous a jamais passé les bandes et tout ça. D'ailleurs, j'étais passé avec Ozoï une fois à la télé sur Antenne 2. On a fait un graphe ensemble avec la SMJ au Canibou, au Pâquerette. Pâquerette, Canibou, quoi. Au Canibou, je crois. Devant l'hôpital de Nanterre, en fait. Et on fait un graphe. Moi, je fais un white style et je fais des boules et billes, tu sais, qui vont à l'école. Et lui, il faisait le fond. Lui, il faisait que de l'abstrait, en fait. Et moi, j'ai fait tout le bas avec un bête de Wasta. Tu vois, je ne sais pas si tu es dans la photo. La photo, je t'ai envoyée, Ouais. avec Ozoï au-dessus. Et bien, à un moment, on passe devant le mur et on les filmait. Et c'est passé sur Antenne 2, tout ça. Bon, bah écoute, mortel, on s'est dit pas mal de trucs, Voilà. mais Donc, tu vois un peu, merci. quand tu me dis que je faisais des grandes fraises, bah, la fresque, peut-être que tu as, la grande fresque de Jolie Curie, un truc qui était sorti dans Intox même. En 91, où j'ai fait un truc de 20, plus de 20 mètres de long, 22 mètres de long, ouais, un truc comme ça, sur 9, 10 mètres de haut. J'ai fait la fresque tout seul. Même Darko, il était venu la regarder, il m'a dit, ouais, t'as fait ça seul, quoi. De A à Z. Tu vois? De A à Z. Il y a des grosses pièces là, sur les photos, ça. Voilà. Il y a une grosse différence. Cette fresque, elle était financée par une partie le SMJ, et une autre partie, c'était le collège de Jolie Curie, quoi. Ceci dit, c'est ma plus jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fait une plus grande fresque que celle-là tout seul, quoi. Enfin, si, j'ai fait à Ajman, hein, dans les Émirats, j'ai fait un truc sur un Oui, j'ai bâtiment de vu. 5 étages, machin. C'est un truc en 3D, machin. Bon, ok, en termes de superficie, c'est plus grand. Mais je préfère quand même la fresque que j'ai fait à Jolie Curie, dans le sens où j'ai mis du perso, j'ai mis du lettrage, j'ai mis machin, j'ai un peu tout fait, je me suis éclaté, j'ai fait ce que je voulais, quoi. Bon, c'est C'était plus dans pas avec l'esprit graphique. Futura sur votre grand mur, et c'était pas là où il y avait Futura. Ouais, aux Émirats aussi. Là, parce qu'en fait, j'ai participé à la plus grande fresque sur toile du monde. D'accord, ok. Voilà. Et là, j'ai peint avec deux fois. J'étais deux fois. J'ai fait un graphe en arabe qui représentait les Émirats Arabes Unis en arabe. J'ai marqué Émirats Arabes Unis en arabe. Et dans mon fond, comme je faisais un fond abstrait, eh ben, Futura est venu faire une partie de mon fond aussi. Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, après, je me suis mis à côté de lui aussi. Il a fait son fond. Et puis moi, après, sur une deuxième fresque aussi, pareil, sur la même toile, on l'a pas côte à côte. Bon, bah Un écoute, mec ça lance super, bien. Futura. Il est Ouais, super ça sympa. lance. C'est un mec mortel. C'est un vrai Et, délire. ah bien, en parlant de Futura, j'aurais pu faire attention à l'époque où on passait à l'émission hip-hop, où on faisait du break. J'ai même pas fait attention au graffiti. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre conscience, que tout à l'heure tu me disais quand est-ce que tu as pris conscience du tag et tout ça, et tu te rends compte qu'en 84, 85, je ne sais plus si l'émission soit de 85, je crois, 84, hip-hop, 84. 84, Ouais, et j'ai ben, perdu. j'étais influencé par la musique, le Smurf et tout ça, mais j'ai absolument pas fait attention au tag. Je me rappelle pas de Futura en fait. Ouais. Et pourtant, je regardais toutes les semaines, je regardais l'émission. Mais j'ai pas imprimé en fait le fait qu'il y avait du tag aussi. Là, je te rassure encore une fois avec tous les gens que j'ai questionnés là-dessus et tout, 90%, je dirais, des gens ont la même réaction. Mais même nous, hein. Moi, je l'ai le vélo, j'ai la musique qui va avec le vélo, Run DMC et tout, donc ça me fait un lien. Mais les premières fois qu'on va commencer à taguer avec Thierry, c'est on n'a pas de photo avant, on est 87, tu vois. Qui commence après, il y en a très peu qui vont prendre le train, hein, sans mauvais jeu de mots, en 83, 84, qui vont se dire, ah, les mecs, ils taguent, le mec, il fait des trucs, ah, c'est chandé. Non, il y en a vraiment peu parce que la mode de la danse avec la musique est tellement forte que le reste devient invisible. Par exemple, le terrain de la Chapelle, pour toi, bon, tu le connais forcément Ça de parle nom, pas du tout. mais ça Ouais, te ça me parle parle pas pas du tout. d'accord. Ouais, alors J'y pour allais pas en fait. J'y allais pas. J'ai pas mis les pieds en fait. Ok. Non, non, J'y mais avais mis les c'est. pieds, j'aurais kiffé, tu vois. Personne m'y avait emmené, donc je savais pas qu'il existait, tu vois. Non, mais c'est Vraiment. intéressant parce que du coup, ça renforce le côté microcosme de la banlieue aussi. Tu Là, l'as tout je savais parlé. même pas que la chapelle existait, quoi. Moi, j'ai pas connu, tu vois. J'étais vraiment dans le gang rap, machin, et j'ai l'impression que. Alors, petite anecdote qui peut J'ai une changer la vie anecdote, d'un c'est que. homme. Chuck tout. Voilà. En 91, on me propose d'exposer avec John Wan et Meo et Iwan. Je vais voir un mec qui était l'agent de John Wan, qui était l'agent des trois, je crois, tu vois, qui s'appelle Carlos. Je crois que c'est Carlos, ouais, Carlos, ouais. Un Brésilien, je compte comme ça. Et on me propose de suivre ces trois Américains, trois New-Yorkais. De les suivre avec un Français qui les suit dans leurs expos. C'est-à-dire qu'eux, ils exposent et on rajoute un Français qui fait du graffiti. Je ramène mes toiles et mon pressbook. Iwan prend mon pressbook, mon bouquin. Et j'ai jamais vu quelqu'un regarder mon book avec autant d'attention. Chaque photo, il restait 2 minutes, 3 minutes dessus. Je me rappelle, il était un peu perché. Iwan, il s'est mis à genoux par terre, il mettait le book par terre comme ça, puis il était comme ça, accroupi. Puis regardait chaque photo, machin, tu vois, super, nanani, tu vois, comme ça. Après, à un moment, il me dit, ouais, ça, c'est moi, ça, c'est mon style. Et moi, je le connaissais pas et j'avais un peu honte. C'est qui, Iwan? C'est qui, Iwan? Ouais. Ouais, c'était une star, mais je savais pas qui c'était, tu vois. Il était complètement perché. Bon, par contre, Joma, il n'était pas là ce jour-là. Il y avait Carlos. Et Carlos, il me dit, voilà. Il a regardé mes toiles. Il m'a dit, tes toiles sont bien et tout ça. Il m'a dit, mais le public français n'est pas prêt à accepter encore le graffiti pur, le lettrage. Et là, il m'a dit, je vais te faire exposer avec Iwan, Meo et John Wan les expositions. À chaque fois que je fais une exposition d'eux ou n'importe quoi, tu viens, tu exposes avec eux. Mais il me dit, mais fais-moi une cinquantaine de toiles, comme ça, genre, mais des bouts de graff. Il m'a dit, tu vois, toi, ton white style, là, tes lettrages que tu fais sur tes toiles, eh ben non, tu fais un bout. Tu sais, tu prends un carré là, comme ça et moi, ça me prenait de la tête. C'est quoi ce délire là, toi? Et moi, j'étais trop jeune dans ma tête. C'était Oui, 91, 92. maintenant, non, t'étais quoi? 91, 92, j'étais trop jeune. Ce qu'il me veut, c'est relou. Non, c'est ça mon graffiti. C'est ça que je fais, tu vois. Tu commences ça, tu vois. Et en fait, j'ai pas suivi le délire, en fait. Et c'est ce que font toujours aujourd'hui tout le monde. Les gens, ils font juste une partie de lettres, un truc qui dépasse. Bien C'est juste sûr, une partie de graffiti avec un fond abstrait derrière. Eh bien, ce Carlos m'avait donné l'idée de faire ça dès le départ. Parce qu'il m'a dit, ton graffiti en entier, le lettrage en entier, le public français n'est pas prêt à l'accepter encore. ouais. Ils Ils n'acceptent plus vont. l'art abstrait, en fait. Ils Ouais, acceptent ouais. le graffiti que les John Wan et les Mio et les Iwan parce qu'ils font de l'abstrait. Avec des tags dedans et tout ça. Mais les deux graffiti purs, vraiment le graffiti pur, non, ils n'acceptent pas. Ça ne va pas se vendre. Donc, en fait, voilà. Et j'ai loupé l'occasion. Bon, après, j'ai dit, ouais, de toute façon, le graffiti, c'est sur le train. Et j'ai quand même, voilà, puis. J'ai pas fait suite en fait. Par Ouais. fainéantise, parce que j'y croyais pas, parce que ça me faisait chier, parce que voilà quoi. Voilà, Non. toutes des occasions de merde. Il y a aussi une fois mon prof de français, tu vois, mon ancien prof de français, on l'avait fait un truc, et comme je faisais de la chaudronnerie, on faisait des sculptures en ferraille, tu sais, on faisait des trucs en ferraille. À un moment, on fait une exposition au parc des Tuileries. Je n'avais pas de photos, j'en avais rien à foutre. Et j'avais fait un truc marrant, j'avais fait des briques, machin, un truc en ciment. Et j'avais fait une structure en ferraille, comme ça s'appelle, et en fait, j'avais marqué Abîme. en graffiti. J'avais découpé les lettres dans la ferraille et tout ça. Ils avaient fait une structure métallique et tout, et marqué Abîme, j'avais soudé et tout ça. Et j'avais fait une falaise, une espèce de falaise avec des briques et du ciment. Et puis j'avais l'abîme, en fait, il se jetait dans la... il se jetait en fait. Et puis j'avais dit, ouais, il se jette dans l'abîme, tu vois. Genre, imagine la mer, la falaise, et puis il se jette, tu vois. Ouais. Bon, c'était débile, hein, voilà, voilà. Et puis ils avaient kiffé. Et parmi les sculptures qui étaient exposées au parc des Tuileries, bon, je sais plus combien, quelques jours, voilà, on était exposé au parc des Tuileries, c'est quand même super, c'est classe, hein. C'est Voilà. Et je rencontre là-bas, mon prof me présente le frère Alain Souchon. Et puis il me dit, est-ce que ça te dirait et tout de faire ton graffiti, mais sur des grandes lettres, soudées et tout ça. Bah non, moi je veux, c'est peindre. Et là, si tu veux, tu les peins après, machin, tu vois. Et ça m'intéressait pas, tu vois. C'est le truc en 3D, des lettres, en 3D, soudées et tout. Après, je les peins. J'étais pas dans cet esprit, en fait. On m'avait donné plein d'idées et je l'ai pas fait. Et puis j'ai refusé. Et puis ils allaient me financer l'atelier, quoi. Ah ouais, mais attends, dans ces Toi, années-là, j'étais trop. franchement, Chuck, on était trop dans un délire. J'étais trop con, en fait, tu vois, j'étais trop con. Attends, mieux que ça, ma prof qu'on s'appelle de lycée, qui me détestait pendant des années parce que j'étais l'horreur pour elle, le mec, la caïra de ouf et tout. À la fin, au bout de 6 ans, j'ai eu mon CAP, j'ai eu machin, je suis mon CAP de soudure, machin. À la fin, elle a fini, elle va partir en boîte ensemble, tu vois. Tu vois, elle me disait, je suis en train d'écrire un livre, une fiction, t'es dedans, mec, parce que tu m'as trop fait chier, quoi, tu vois. Et à un moment, elle me ramène un bouquin, elle m'a dit, écoute, si tu veux faire du... Tu... J'ai fait un grave dans le lycée et tout ça, elle m'a dit, si tu veux, voilà, faire un truc bien, fais ça. Et elle me passe un bouquin sur les anamorphoses. Elle m'a dit, fais ça en graffiti. Mais je dis, ouais, mais non, mais c'est pas des lettres et tout, c'est des sacs de blé en anamorphose dans un coin, machin, un truc comme ça. Tu sais, ça m'a pas inspiré plus que ça, quoi. Je dis, ouais, l'anamorphose, foot et tout, tu vois. En fait, j'étais trop teubé à cette époque. Je voulais faire que des trains, des machins, taguer, j'étais trop... Et en fait, on loupe des occasions. Et la vie, c'est souvent des occasions et des rencontres. Exactement, et c'est vrai que Et en fait... ces trajectoires-là, à l'époque, auraient pu permettre ça, auraient mis, bah, t'aurais mis 10-15 ans comme John, même s'il avait Ben commencé un peu voilà, plus tôt. ça m'aurait mis en lumière depuis trop longtemps dans le monde de l'art contemporain, etc. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas la mentalité. J'étais un mec de un banlieusard qui n'est pas éduqué. Quand tu n'es pas dans le bon milieu, business ou n'importe quoi, ou on n'était pas dans le milieu d'art, j'allais pas dans les galeries, j'allais pas dans les machins, je n'en avais rien à foutre. Tu vois, donc du coup, on était dans notre... Même l'étoile, on m'avait demandé de faire des trucs en MJC à la mairie du PEC et tout, et on a essayé, c'était pété, on défonçait nos propres toiles. Après, on revenait en teutrait pour les taguer. On n'était pas dans l'esprit, on était trop. Oui, mes premières toiles, j'ai trouvé tellement pourries que je les ai détruites. Et je regrette aujourd'hui, parce que par contre, j'ai des photos, je pourrais te les montrer. Et j'ai j'en ai d'autres, hein. J'ai mes premières toiles, j'en ai quelques-unes que j'ai gardées. À fond à la maison, tu vois. Mais à son date de 92, 91, 92, tu vois. Et c'est cette toile-là qu'a refusé Carlos, qui a dit, ouais, c'est trop graffiti, quoi, tu vois. Mais je les ai jamais vendues, c'était pour moi, tu vois. Je les avais faites pour moi. Et voilà, on loupe des occasions, tu vois, on a loupé beaucoup d'occasions. Et en même temps, on n'a pas compris ce qu'il fallait comprendre. On n'avait personne derrière nous pour nous expliquer des choses, tu vois. Pour bien nous les expliquer, tu vois. Donc c'est plein d'opportunités, la vie, mais des rencontres, des rencontres, des rencontres.